Cette intersection est aménagée de telle sorte que chacune des directions est nettement séparée. Les voies de droite et de gauche sont réservées aux usagers qui effectuent des changements de direction. Je suis au début de ces voies. J'ai donc la possibilité de choisir tourner à droite ou à gauche. Réponse A et C.